Et c'est reparti. DJ Demi, toujours là. On va voir tout le monde danser. Allez, check your body, baby. DJ 2000, toujours là en 2012. Il soit 10h du soir, ou bien 3h du matin. Tout le monde est cool. On ouvre les bouteilles de vin et on danse. Plus fort, vous entendez pas. Ouais, c'est plutôt sympa. C'était plutôt sympa.